Mourir, mon bon Eugène, c'est ne plus les voir. Pour un père, l'enfer, c'est d'être sans enfant. Mon paradis était rue de la Jussienne. Quand elles y étaient, elles ne raisonnaient pas, elles ne savaient rien du monde, elles m'aimaient bien. Mon Dieu, pourquoi ne sont-elles pas restées toujours petites? Oh, je souffre, la tête me tire. Ah, pardon, mes enfants, je souffre horriblement. Il faut que ce soit de la vraie douleur. Vous m'avez rendu bien dur au mal. Voyez-vous, il faut me guérir, parce qu'il leur faut de l'argent, et je sais où aller en gagner. J'irai faire de l'amidon en aiguille, à Odessa. Je suis un malin, je gagnerai des millions. Oh, je souffre trop. Un léger assoupissement survint et dura longtemps.